faites de la musique. C'est dans ma tête. C'est dans nos têtes. Pourquoi ce soir? Tous les soirs. Pourrait être la fête. D'une musique. Je dis ça parce que je sais qu'il y a des Français.